بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية في اليمن. أنا plaisir de vous présenter تفسير سورة الفاتحة. طه منير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نيميرو 4. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لا نزال ولله الحمد في تفسير سورة الفاتحة أو ذكر بعض فوائد سورة الفاتحة من كلام شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. أخذنا مقدمة واستفدنا في هذه المقدمة من كلام شيخ الفوزان حفظه الله أن الذي يعبد الله سبحانه وتعالى على غير هدى فهو الضال من الضالين. ما الدليل على هذا؟ أن من يعبد الله على غير هدى فهو الضال، ما الدليل على هذا؟ في الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ففي الفاتحة الله سبحانه وتعالى il met en garde contre هؤلاء الضالون. شيخ الفوزان يتكسبك سيكون الضال يتخدوز par un égaré. قال هو الذي يعبد الله على غير هدى، un ضال c'est celui qui adore Allah سبحانه وتعالى بلا علم. ما الدليل على هذا؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. Prophète صلى الله عليه وسلم il a expliqué الضلالة بالبدعة، والبدعة c'est faire une chose qu'il n'y a pas dans les textes, il n'y a pas dans le Coran, il n'y a pas dans le Sunna, une invention في الدين fait l'invention, فهذا من الضلال. Ça, ça te montre أن النبي صلى الله عليه وسلم il a expliqué الضلال بالبدعة. شيخ الفوزان قال الضال هو الذي يعبد الله على غير هدى، أي بالبدعة. Cette بدعة elle peut le faire sortir من الإسلام. Ça peut être du kufr, que بدعة النصارى. Ils ont inventé, ils prétendent أن عيسى عليه السلام c'est le fils d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une بدعة كفرية. Ça peut être une بدعة. Elle fait pas sortir la personne de l'islam, لكن ça reste un égarement. فالضلال هذا نستفيد أن الضلال il peut faire sortir la personne من الإسلام عليكم السلام. Et ça peut être du fisq. Il ne fait pas sortir la personne de l'islam, لكن ça reste un égarement parmi les égarements. في سورة الفاتحة كذلك استفدنا أن dans سورة الفاتحة il y a un argument, un دليل في مسألة الرد على المخالف pour répondre à أهل الضلال. Pour mettre en garde contre أهل الضلال. هل في الفاتحة يعني دليل على هذا؟ تفضل عبد الملك. هدينا الصراط المستقيم. هذا سياق ميز أون غارد. Au contraire, c'est دعاء pour qu'Allah nous guide sur le bon chemin. لا، ميز أون غارد contre أهل الضلال. أحسنت، غير المغضوب. الله سبحانه وتعالى ميز أون غارد contre هؤلاء. Il les appelait المغضوب عليهم. المغضوب عليهم تقدم معنا عليكم السلام أن المغضوب عليهم تقدم معنا كل من يعلم ولا يعمل، هذا مغضوب عليه. وعلى رأس هؤلاء مقدمة هؤلاء اليهود الرد على المخالف لا ميز أون غارد كونتر لي زيغاري كسا سوا ان كافر كسا سوا ان مبتدع ان انوفاتور كسا سوا ان بيرسون كا دو شر كي في دو مال فسي مشروع في ديننا ان المسلم مي أون غارد كونتر هؤلاء بالشرط كي لي على علم، بالشرط كي بارل بعلم. من الأدلة على هذا سكون في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استفدنا في الفاتحة أن الله سبحانه وتعالى نمي وقعد كنتخ المغضوب عليهم كنتخ الضالين. يجوز هذا، ما في شيء تانك سفي بعلم بحق بعدل يبا الظلم لا بيرسون يراجوت با لا بيرسون يمون با فسمين ديننا. وكتب الجرح والتعديل ألي مليئة بالرد على المخالفين والتحذير منهم، ولا ينكر هذا إلا الزائر. أما علماء السنة متفقون أن المنحرف الضال يبين حاله. قال عليه الصلاة والسلام فاحذروهم. On avait expliqué في حديث عائشة أن عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم il a récité le verset في آخر الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين حذر الله أو حذر الله منهم فاحذروهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إما وقعد احذروا هؤلاء. قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي أو أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين. La chose que j'ai le plus peur pour vous, الأئمة المضلين, les imams égarés, ils égarent الناس. Tout ça c'est des mises en garde. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه الآيات الثلاث تضمنت ثلاث مسائل. قال الشيخ الفوزان ثلاث آيات كانوا هكذا التي تلاها في أول الرسالة أي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قوله الحمد لله رب العالمين ساس البخومي فيغسي من الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. نعم فوزان غمحكي أن هنا خطأ. الصواب أن الحمد لله رب العالمين سي البخومي فيغسي. أما الترقيم كتا دان المصحف la numérotation dans le mushaf dans certains masahif ou dans le livre qu'on a l'un Alhamdulillah Rabbil Alamin, vous remarquerez il a mis numéro 2 verset numéro 2 wa as-sahih anna Alhamdulillah Rabbil Alamin c'est le premier verset amma al-basmala c'est un verset min al-Quran lakin il ne fait pas partie de la Fatiha ala as-sahih. قال الشيخ الفوزان تضمنت ثلاث مسائل. نعم الان شيخ الاسلام il va rentrer في سورة الفاتحة Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawm al-Din, ces trois versets. قال تضمنت ثلاث مسائل. Ces trois versets, un, tu vas comprendre trois choses muhimmah. Trois leçons tu vas tirer. قال الآية الأولى قال فيها المحبة. هذا كلام شيخ الإسلام. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله الآية الأولى قال فيها المحبة لأن الله منعم أي هو المنعم. قال والمنعم يحب على قدر إنعامه. فهذا la première فائدة. le premier verset الحمد لله رب العالمين. La leçon que tu tires, c'est une leçon مهمة عظيمة. المحبة. Ça va être un دليل على المحبة. Tu dois aimer Allah سبحانه وتعالى. Tu dois aimer les lois d'Allah سبحانه وتعالى. Tu dois aimer son prophète عليه الصلاة والسلام. Tu dois aimer son kitab. Et tu dois, ça va impliquer que tu détestes ce que Allah subhanahu wa ta'ala il déteste. Al-kafara, al-munafiqoun, al-mushrikoun, ceux qui essayent de combattre l'islam, tu vas détester ce qui combat le Coran, les lois qui viennent pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa hakada. Alhamdulillahi rabbil alameen. Al-an, qad yakul qa'il, min ayn ukhul mahabba. Min ayn. Indan. Al-an, al-aya al-oula fiha al-mahabba. قوله عز وجل الحمد لله رب العالمين من أين نقول محبة؟ تفضل حمزة. الحمد لله أي إذا يقولوا لي ندخل الحمد لله المحبة هو المنعم. أحسنت زيد عبد الملك. ما تثنى على واحد إلا أن تحبه. تغجتام الآن الثناء من أين إذا ابن سمو الثناء؟ الحمد هو الثناء على الله. أحسنت أن الحمد هو الثناء على الله بالمحبة والتعظيم. أما سياثنا ثناء ذكر الأوصاف المحمودة إلى آخره. تسال ثناء. tu fais ثناء sur quelqu'un et tu cites ses qualités. فالحمد لله الآن سأثنى على الله بمحبة وتعظيم. نحن on va faire ce ثناء. à citer les qualités d'Allah سبحانه وتعالى, ses noms, ses attributs إلى آخره et les ni'am qu'il nous a donné, on remercie إلى آخره. tout ça بمحبة. pas parce qu'on est forcé, pas parce qu'on n'a pas le choix. Pas parce qu'on n'est pas sincère. Abadan. On fait tout ça bimahabba. Amma si le thana, hada thana, s'il est fait sans mahabba, ça va s'appeler comment? Hein? Là. On l'a vu, hada fi tafsir al-Fatiha al-Imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymin. Ça va s'appeler al-Mathh. Al-Mathh. Quand il dit, c'est quoi la différence entre le Mathh ou al-Hamd? الحمد بالمحبة ذكر أوصاف المحمود أو الثناء على الله بمحبة وتعظيم فاس الحمد مثلا نودي الحمد لله رب العالمين ثناء على الله سبحانه وتعالى الحمد لله et on cite أنه c'est رب العالمين tout ça بمحبة. أما tu peux citer les qualités مثلا on va donner un exemple d'une personne et tu le détestes ça sera pas حمد ça sera المدح. Tu dis Foulan yamdah Foulan. Cheikh Ibn Uthaymeen, dans Surat Fatiha, il nous avait cité un exemple. Certains poètes, à l'époque, maintenant il citait les qualités du roi et il le déteste. Lakin huwa il veut al-mal faqat. Lui il a un avantage, il veut de l'argent, il veut une place, il veut. Enfin maintenant il fait une poésie et il dit le roi c'est le meilleur, le roi c'est kada, le roi et il le déteste. Amma nahnu fi haqq Allah azza wa jall sahamd. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. On cite l'un les noms. On cite les qualités d'Allah, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça bi mahabba. Tout ça parce que c'est lui qui nous donne les ni'am. C'est lui qui nous a donné la vie. C'est lui qui nous a donné la bonne santé. C'est lui qui nous nourrit. C'est lui qui nous a guidés. Tout ça, on cite nahnu ces qualités bi mahabba. Alhamdulillah rabbil alamin. هذا الذي يريد العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قال الشيخ الفوزان قال الحمد لله رب العالمين قال الحمد لله على ماذا الآن نحن on a expliqué ce qu'est الحمد الثناء على الله لكن pourquoi على ماذا فواضح على النعم على النعم أعظم نعمة c'est الإسلام أعظم نعمة que tu auras c'est الإسلام. Allah subhanahu wa ta'ala t'a guidé à l'islam, cette religion, c'est la plus grande ni'ma. Il a envoyé des messagers, il a fait descendre des livres, c'est la plus grande ni'ma. L'Anna t'a montré le haq min al-dalal. Qala subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati. C'est le fait de parfaire une chose, al-itmam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum l'islam dina. فأنت أيها المسلم كل يوم تغسيت الحمد لله رب العالمين فلابد أولا tu sais c'est quoi les ni'am tu dois te rendre compte بعض الناس ils sont dans le ni'ma ils ne s'en rendent pas compte c'est un muslim il ne se rend pas compte de la ni'ma il a la bonne santé il ne se rend pas compte de la ni'ma قال عليه الصلاة والسلام ni'matan مغبون فيها كثير من الناس الصحة والفراغ حديث ابن عباس في الصحيحين le prophète il a montré deux ni'ma كثير من الناس ils sont insouciants ils se rendent pas compte la bonne santé et le farah et le temps libre ce hadith il montre qu'il y a des ni'am بعض الناس ils donnent pas d'importance انت الحمد لله رب العالمين تحمد الله عز وجل tu dois savoir à la mada et cette ni'ma tu dois t'accrocher à cette ni'ma tu trouves l'un بعض الناس ils ont اعظم ni'ma c'est l'islam et ils respectent pas cette ni'ma ils donnent pas la valeur à cette ni'ma ils donnent pas d'importance l'islam tu le trouves c'est un musulman. Tu le trouves, il penche vers les kuffars et il commence à critiquer l'islam. Ha'oula, c'est des barbares, c'est des kada. Il y a akhiti dans une ni'ma. Amma, celui qui ne croit pas la ni'ma et qui ne croit pas la ni'ma, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut lui enlever. Fa'nahnu, on récite Alhamdulillah Rabbil Alamin, on récite, on comprend et on l'applique. Qala Cheikh Al-Fawzan, qala Alhamdulillah ala maza, ala ni'amih. Fa'huwa yuhmad subhanahu wa ta'ala li dhatih, wa li asma'ihi wa sifatihi wa li af'alih. Wa lillahi l'asma'ul husna. الآية قال عز وجل فعال لما يريد الله في سكيفه لا دي أفعال الحمد هم اللي تخدوز بغلا لونج كما تعلمون لكن تعرفون أن certain traduction قد لا تفهم si tu demandes à beaucoup de personnes qui t'expliquent c'est quoi une louange قد لا يفهم صحيح tu loues Allah الأحسن comme on vous a conseillé beaucoup de fois la personne il se concentre sur la langue arabe et il comprend la langue arabe avec la langue arabe avec des mots simples الحمد c'est الثناء على الله تثني على الله تفضل والثناء على فلان على شخص معروف tu parles bien d'une personne tu cites ses qualités et l'akhir معروف هذا أما certaines traductions انتبهوا la louange à Allah كثير من الناس ils savent pas c'est quoi une louange si je te demande c'est quoi une louange قلت لا لا تدري c'est quoi une louange. Il te faut un autre dictionnaire pour comprendre la louange. Le travail intact que tu vas faire pour la langue française, la louange, après tu dois chercher c'est quoi la louange, fais-le dans la langue arabe. C'est quoi le hamd? Tu vas trouver que c'est athana ala Allah. Si tu n'as pas compris, demande à une personne qui t'explique avec un exemple. Et ça sera très simple pour toi et ahsan lak. Tu auras plus de fawa'id fi al-lugha al-arabiyya. Qala fa huwa al-mun'im ala ibadihi fa kullu mun'im fa huwa yuhmad ala qadr ma an'am. Naam. Hal jaza'u al-ihsan illa al-ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala an'ama ala ibadih. Il nous a envoyé un messager, il lui a révélé le Coran, il nous a guidé, il nous a donné la bonne santé, il nous a élevé par rapport à kathir min al-khalq. Al-muslim il est élevé par rapport à kathir, les autres créatures, jiddan. Par rapport aux animaux, par rapport aux kuffar, par rapport al-muslim il est élevé. Toute cette ni'ma, en ta tu dois être reconnaissant. Avec le makhluk tu dois être reconnaissant. Ma baluk avec Rabb al-alamin. Qala Isa al-salam. نسيت الحديث أحسنت. من لا يشكر لا يشكر الله من لا يشكر الناس. Ça, ça te montre que la personne doit être reconnaissant. Si une personne t'a fait un khayr, tu dois lui faire un khayr. Le musulman doit reconnaître le ma'ruf, il doit reconnaître l'ihsan. Une personne, khasatan, si c'est un khayr fi din, il t'apprend ton din, il te montre ton din. Même fi dunya, tu dois être reconnaissant. Le musulman, il est reconnaissant. Et celui qui n'est pas reconnaissant avec le makhlouq qui lui a fait un khayr, une créature qui t'a fait, qui t'a donné un bien, qui t'a fait un bien, lui c'est une cause. Le bien vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ce qu'on parle un c'est une cause. Lakin cette cause tu dois être reconnaissant. La yashkurullah, man la yashkurunnas. Ma baluk celui qui n'est pas reconnaissant avec Rabbil Ibad. Allah il l'a créé, il lui a donné, il lui a montré. Il a akhiré, tu trouves à la fin aucune reconnaissance. Certains êtres humains, wal'iyadu billah, ils ont atteint un niveau de kufr, et il n'est pas reconnaissant. Hatta, il nie le créateur, il dit là. Là, il n'y a pas de créateur. Min ayn ta eu hada hada hada. Il dit c'est moi. C'est ana. Hada c'est adam le kufr. La personne il est reconnaissant. Un tata miskin. Allah subhanahu wa ta'ala, si il te coupe l'oxygène, ou l'eau, ou une ni'ma faqat, tata bel, tu peux perdre la vie. La personne il doit être reconnaissant. Ta makhlouq, ta miskin, ta da'if. Qala, wa hada yaqtadi an yuhab. لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها والله جل وعلا هو المحسن. نعم النفوس جبلت أي الفطرة لا personne a été créée هكذا. Il aime celui qui lui fait un خير et celui qui lui fait du mal il l'aime pas. هكذا سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. أنت si une personne te fait un خير, si une personne te fait un خير, ça va pousser que tu vas l'aimer bien sûr. Si c'est un musulman il a خير, si رب العباد il t'a donné tout ce khayr, ça te pousse à l'mahabba. Il t'a créé, il t'a guidé, il a khayr. Falabud. Min shurut la ilaha illallah, l'mahabba. Tu hibbes hadi l'kalima. Et tout ce qu'elle implique. Qala wallahu jalla wa ala huwa l'muhsin. Wa huwa l'mun'im. Naam. Amma l'muhsin, ta'lamoun anna hunak khilaf fi ithbat hadi l'ism. Lakin la'alla shigh l'fouzan. Imma yivwa anna l'ism li thabit. Comme kathir min al'ulama. Il voit un ism al-muhsin, il est tabit lillah. Ba'd ulama, ils disent là. Ils disent, tu peux l'employer min bab al-ikhbar. T'informe en Allah, c'est le muhsin. Amma que c'est un nom d'Allah, là. Ta'lamou l'anna, la masala, les khilafiyya. Et celui qui veut approfondir cette masala, il y a deux risalas. Fima na'lam, wahida, une risala, les cheikh Abd al-Razzaq al-Abbad, hafidahullah, il montre un ism al-muhsin, il est tabit. Il a une risala, les manchoura. Et une autre risala, لأخينا كمال العدني وفقه الله يمنت خلنا اسم المحسن il est pas ثابت فcelui qui va approfondir le sujet il lit les رسائل et il prend le قول qui est appuyé par des adillah et ça c'est خلاف بين العلماء. Tout ça pour vous montrer قوله المحسن إثبات اسم المحسن يعني فيه نظر. قال وهو المنعم وهو المتفضل على عباده قال فتحبه القلوب على نعمه وعلى فضله وإحسانه محبة لا يعادلها محبة. Cette محبة c'est une عبادة. Cette محبة elle est au-dessus de toutes les محبة. Ça veut dire que si Allah il aime une chose et un makhlouq il déteste cette chose, t'as pas le droit de détester cette chose أبدا. La محبة Allah elle passe avant. Elle passe avant محبة الأولاد, avant محبة الأب والأم والأقارب محبة الله البس أخو. Si un proche مثلا il veut que tu fasses une désobéissance, t'as pas le droit. لأن الله سبحانه وتعالى déteste qu'on lui désobéit. فاستو محبة البس avant tout. البس avant tout. محبة عبادة. Et il va citer رحمه الله التفصيل في المحبة. قال ولذلك كانت المحبة أعظم أنواع العبادة. الحمد لله رب العالمين تضمنت المحبة. نعم المحبة c'est من أعظم أنواع العبادة. نعم لأن العبادة tu dois faire ça بمحبة. انظر المنافق il a pas cette محبة. المنافق il adore الله سبحانه وتعالى, il a pas d'ikhlas, il est pas sincère, il est pas véridique, il déteste l'islam, il a pas de محبة. لكن هو il a un غرض, il a un objectif. هو فإما il va adorer الله سبحانه وتعالى pour protéger ses biens, son sang. أما le jour où il a une force de délaisser l'islam il la laisse. منافق il croit pas. هو أما المؤمن لا عبادة il fait بمحبة. محبة. Et cette محبة elle passe au-dessus de toutes les autres محبة. قال وسيذكر الشيخ رحمه الله أي شيخ الإسلام أن المحبة على أربعة أقسام أو أنواع, على أربعة أنواع. يبقى سيتي هذا شيخ الإسلام, لكن شيخ الفوزان يبقى سيتي الآن globalement. قال الأولى محبة شركية. قال وهي محبة الأصنام والأوثان وكل ما يعبد من دون الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله قال لأن محبتهم محبة توحيد وإخلاص بعض الناس يزون محبة شركية والعياذ بالله إذن لغزدا كم المسلم دم الله على أحد التفسيرين ونعرفوا لدي تفسير فالمشرك il a un amour pour cette idole, cette chose qu'il adore, ou al-ayadu billah. Et ça, c'est l'ayadjouz. Le musulman, ou l'être humain, il n'a pas le droit d'aimer le kufr. Il n'a pas le droit d'adorer autre qu'Allah et aimer cette chose. Abdel. L'anna sat mahabba, elle est khassa lillah. Qala wa minan nas, man yattakhidu min duni lillah, andadan. Andadan, c'est jim, nid. Qala yuhibbounahum ka hubbillah. Et, nous, on ne détaille pas l'an. On détaillera dès que Cheikh l'Islam il citera al-kalam. Amal 1. On lit globalement comme a d'accord la Cheikh Al-Fawzan. قال النوع الثاني محبة محرمة وهي محبة ما يبغضه الله عز وجل من الممنوعات أي des choses ممنوعة c'est ممنوع أي c'est pas permis. قال والمنهيات والمحرمة قال ومن ذلك محبة المشركين ومحبة الكفار c'est محبة لمحرمة t'as pas le droit d'aimer une chose de haram ou une chose qu'Allah déteste, une chose qu'Allah interdit, t'as pas le droit. Il a cité un exemple sur Fawzan, mahabbat al-kuffar. C'est haram. Il y a un tafsir fait mahabba, ma'rouf. S'il les aide, et ce mahabba le pousse à combattre l'islam, il a des doutes sur l'islam, il pense que les kuffars sont à la haq, hada, il annule son islam. Ala kulli hal, ce mahabba, c'est aimer le haram. Wahad il aime zina, wal'ayadu billah, wahad il aime l'alcool, il aime la musique, il aime. Ça c'est le mahabba muharrama, t'as pas le droit. T'as pas le droit, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a créé, t'a interdit cette chose. Et t'a ordonné de la détester. Si tu khalif y'a d'un peu, tu tombes dans le haram. Qala annaw'u thalith mahabba tabi'iyya. Wa hadi elle est wadiha. Tabi'iyya est une mahabba naturelle. Il aime quelque chose, c'est naturel. Qala wa hiya mahabba l'insan li awlad. Li awladih wa li abawayih. Naam, il manque l'ha. لأولاده الصواب قال محبة الإنسان لأولاده ولأبويه ولزوجته ولأصدقائه قال هذه محبة طبيعية لا يؤاخذ عليها الإنسان نعم هذه مباحة لا بيرسون il aime son enfant لا بيرسون il aime son père il aime sa mère مباح tu verras الآن si tu as compris ça tu verras la différence ou tu comprendras la مسألة qui se pose souvent فلان مثلا il sait qu'il ne faut pas aimer les kuffars. Lakin il dit, Anna, mes parents, c'est des kuffars. Si tu as compris ce tafsir, tu auras la réponse. Ton père, si c'est un kafir, tu as un amour vers lui, c'est ton père. Il t'a élevé, il t'a éduqué, c'est ton père. Tu vas l'aimer, une mahabba naturelle. Amma, par rapport au din, tu le détestes. Mais Anna, tu sais que si tu l'aimes par rapport à son din, c'est haram. C'est une faïda hadi, Anna, dans une personne, on peut l'aimer d'un côté et le détester d'un autre. Matalan, celui qui a un proche kafir, il l'aime par son lien de parenté. Son père Matalan, il est malade, il va lui rendre visite. Il a un amour pour lui, c'est son père. Il a besoin de quelque chose de l'akhiré. Lakin, côté din, yani son père c'est un kafir, il n'aime pas l'islam, il ne s'est pas converti à l'akhiré, il le déteste dans ce côté. Min hadha al-bab kadhalik al-ashab al-ma'asi min al-muslimin. Qad tajtami' fihi mahabba wa bughd. Tu peux, un pécheur parmi les musulmans, tu peux l'aimer, le détester. Tu l'aimes parce que c'est un musulman. Il dit la ilaha illallah, il dit Muhammad Rasulullah, il fait le salat, il fait le hajj. Il aime le prophète, tout ce côté-là, tu l'aimes. Et tu le détestes par rapport à ses ma'asi. Il boit de l'alcool, tu le détestes. Tihada. Il vole, tu le détestes. Il a akhir. Lakin, il y aura toujours de la mahabba. S'il meurt, on fait salat sur lui, on fait des invocations pour lui. C'est un musulman. Al-mahabba, quand il y a un chars mahabba, ou abord. Amma al-kuffar, il n'a aucun lien avec toi. Matalan. Il n'y a pas de lien de parenté avec toi. C'est un kafir, il combat. Tu le détestes, hada. Filla azawajal. Tu le détestes. Il n'y a aucune mahabba. Il n'y a aucune cause pour avoir mahabba. Il n'a pas de lien de parenté avec toi. C'est un kafir. Tu le détestes, filla. Le muslim salih, il n'y a aucune cause de le détester. Ulama al-sunna, matalan. Bel qablahum al-sahaba. Radiyallahu anhum. Bel qablahum al-anbiya. On les aime 100%. Il n'y a pas de nom min al-bord. Iyadan billah. Abadan. Il n'y a aucune cause pour qu'il y ait du bord. Fahada. Ça, c'est un tafsir fi al-mahabba. Wal-bord. Qala al-nou' al-rabi'. Mahabba wajiba. Wahia mahabba awliya illah. Wahia al-mahabba fi Allah. Wal-muwala lillah azza wa jal. Kullu hada dakhil fi qawliya alhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Lianna alhamd tastafid al-mahabba. Al-mahabba. tu dois aimer ce que Allah il aime et tu dois détester ce qu'Allah il déteste. Et parmi les choses qu'Allah il déteste, al-kuffar, tu dois les détester. Mais là tu dis alhamdulillah rabbil alamin. Enfin, tu prétends aimer ce qu'Allah il aime et détester ce qu'Allah il déteste. Enfin, celui qui récite le Fatiha, automatiquement s'il a compris la surah, ça doit le pousser à détester les ennemis d'Allah. Al-shayatin, al-ins wal-jin, al-kuffar, al-munafiqin, ila akhir. Et il doit aimer les alliés d'Allah, awliya Allah subhanahu wa ta'ala, al-anbiya, al-sahaba, al-ulama, al-muslimin, ila akhir. Et on répète, anna qad yajtami' fi shakhs mahabba wa bughd. On a cité deux exemples. Qala shaykh al-islam, al-an il va détailler sur l'islam. Al-an il va détailler chaque mahabba. Qala wal mahabba tanqasim ila arba'ati anwa'. Mahabba shirkiyya. وهم الذين قال الله فيهم ومن الناس من يتخذ من دون الله أمدادا يحبونهم كحب الله إلى قوله وما هم بخارجين من النار. Ça c'est la première. محبة شركية. Cette محبة c'est une عبادة. Cheikh Fawzan il va expliquer. Et on l'a déjà vu نحن في الواجبات في الأصول الثلاث في كتاب توحيد كثير من الدروس. فنحن الآن c'est comme une révision pour nous. Cette محبة c'est une عبادة. La donner à autre qu'Allah c'est du shirk. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé mahabba shirkiya. Cette mahabba, c'est une adoration. Si tu la donnes à une créature, tu as donné quelque chose qui est réservé à Allah. C'est ça, shirk. Mahabba shirkiya. Qala shirk al-fawzan. Wa min al-nas man yattakhidu min dounillahi andadan qal ay shubaha. Wa nudara lillah azza wa jal. Wa min al-nas man yattakhidu min dounillahi andadan. Certaines personnes, ils prennent des associés à Allah. Ça s'appelle un nid. Un égal. قال فكل من عبد من دون الله فقد اتخذ ندا لله لماذا العبادة خاصة لله si tu la donnes à autre qu'Allah cette chose ça devient ند tu la donnes égal à Allah قال وشبيها لله عز وجل وعديلا لله عز وجل والمشركون يحبون معبوداتهم محبة شديدة نعم المشرك son idole il l'aime محبة شديدة tellement qu'il l'aime il croit qu'il doit l'adorer. Tellement qu'il l'aime, il n'admet pas que tu lui dises « t'as pas le droit de l'adorer ». Tellement qu'il l'aime, il combat son wala et son bara, son alliance et son désaveu, c'est pour son idole. Si tu aimes son idole, il te rapproche. Si tu détestes son idole, il t'écarte. Ou le fait d'adorer l'idole. « Qala wa lidhalik yamutuna dounaha wa yaqtulun dounaha » Tu trouves Ba'd al-Mushrikin pour sa statue. « Ta'ammal kuffar Quraysh » Ils ont combattu pour les statues. Ba'd al-Mushrikin, ils sont fait tuer, Ba'd al-Mushrikin blessé. Tout ça pour la statue. Mahabba shadida. Il est prêt à mourir. Comme toi, ayyuha al-muslim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lui tout ça, il le donne ghayrillah. Shirkun billah azza wa jalla. Qala lakin yatamassakuna biha wa yuhibbunaha li'annaha ushribat fi qulubihim wal 'iyadu billah. Et ça c'est une fitna. Yahmukallah. Fitna wal 'iyadu billah. Anna son cœur il est malade. Toute sa vie, elle tourne autour de la statue, du mort foulain, Sidi foulain, la tombe. Il est prêt à mourir, sa vie, toute sa vie, elle va tourner autour de elle. Normalement, un musulman, sa vie, elle tourne autour de dire Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sa vie, elle est lillah. Les ordres, il les fait, les interdictions, il s'écarte. Wahakada. Tu trouves al-mushrik, sa vie, khalas, autour de son idole. Il combat, il fait tout pour l'idole, wal'iyadu billah. Mushrik. Qala wa istadalla bi qawli qala wa idha dhukira Allah wahdahu shma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idha dhukira alladhina min dunihi idha hum yastabshirun. Andar wala ibara ila an ila namour tout ça tourne autour de son idole. Qala wa idha dhukira Allah wahdahu shma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah. Si longtemps il faut adorer Allah seul, il faut invoquer Allah seul, tu le trouves, son cœur il se serre, il n'est pas content. Tu le vois hada fi le mushrikin al. Tu dis, pas le droit d'adorer les tombes, celui qui adore autre qu'Allah c'est un kafir, le sacrifice c'est que pour Allah, le dua c'est que pour Allah. Tu le vois, il est mal à l'aise. Il sait que il donne son mort et il ne veut pas entendre ce kalam. Tu vas le trouver à dire là, nous on fait tawassul, on fait shafa'a, Cheikh Fulan il a dit, et kalam farab. Mais le musulman là, il entend tawhid musulman, il est content. لأن يسيف سادين الله سبحانه وتعالى قال وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون dès qu'ils entendent نعم يجوز de corriger pour la tombe صحيح c'est شفاعة c'est du توسل t'as le droit de faire كذا tu les trouves ils rapprochent la personne ils l'élèvent شيخ فلان هكذا أهل الباطل أهل الباطل آية تستفيد أن أهل الباطل leur ولا leur محبة leur amour et leur bara leur désaveu, leur haine, c'est par rapport à leur passion. Si tu es d'accord avec son avis à lui, il est content. Si tu es contre lui, il ne t'aime pas. Al-Muslim, il n'est pas hakada. même si le musulman regarde le haq, si tu es d'accord avec le haq, il est content. Si tu es contre le haq, il déteste. Ou alors si tu es proche. Fa al-wala wal-bara ila lillah. Azza wa jal. Qala alayhi salatu wa salam, awthaq ala al-iman al-hub fillah wal-bughd fillah. الحب لله والبغض لله لا في فلان وعلان أبدا. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال الشيخ الفوزان لأن المشركين يحبون الله محبة مشتركة بينه وبين غيره. Et ça c'est une faïda, on l'a expliqué. أن المشرك c'est un kafir mais il a une part. Il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin al-mushkila, c'est qu'il aime son idole comme il aime Allah. Ça, c'est un des deux tafsirs. L'autre tafsir, il aime son idole comme le musulman il aime Allah. Deux tafsirs, on a vu. Les deux sont sahih. Qala Sheikh al-Fawzan, wa amma mahabbat al-mu'minin lillah, fa hiya mahabba khalisa. Wa law yara alladhina zalamu idh yarawna al-'adhab an al-quwwata lillah jami'a wa anna Allah shadid al-'iqab. Toute sa mahabba lillah, azza wa jal. Ay mahabba ta'zim. محبة عبادة une محبة qui pousse à adorer. أما محبة طبيعية لا ناتوريل une chose permise فمعروف. المؤمن même les choses qu'il aime les choses مشروعة qu'il aime c'est في الله. مثلا on aime le prophète صلى الله عليه وسلم لأن c'est Allah سبحانه وتعالى qui l'a envoyé. On aime le مؤمن لأن c'est Allah سبحانه وتعالى qui nous a dit de l'aimer. وهكذا. On n'aime pas par rapport à notre هوى et on déteste par rapport à notre هوى. Ça c'est من ضعف الإيمان. Maintenant, tu détestes, et il n'y a aucune cause de le détester. Là, il y a juste là. Tu dois l'aimer fil là. Et tu mets le hawa de côté. Si la personne, il savait où qui va arriver. Il y a un jour de la résurrection. Il y a un jour de la résurrection. Il y a un jour صحيح. Et ça, ça te montre Adam al-Khudlam. تصور أنت المشرك toute sa vie l'aime son idole. يوم القيامة cette chose يتبرى, il se désavoue de lui. J'ai rien à voir avec toi. Under, il s'est battu pour lui, il a combattu pour lui, il est mort peut-être pour lui, il a akhiré يوم القيامة il se déteste. Allah subhanahu wa ta'ala montre أن يوم القيامة المشرك avec son plus proche ami, son plus proche يوم القيامة سدي أعداء لأن بوكوا لما أحب على تفاف طف الله هذا يزدزابو هذا يزدزابو لأن ده كي بابور النار يزدزابوه ست صفوت لوت كي بادير لا ست صفوت وهكذا. أما المؤمن محبة في الله الوسير يوم القيامة إذا ست الآية قال نحن ما أمرناكم بعبادتنا ولا علمنا أنكم تعبدوننا قال اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الشاهد اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا أي ceux qui ont été suivis مثلا il s'est fait adorer il va se désavouer de celui qui l'a adoré. خذ لنا والعياذ بالله. أما أنت تعرف يوم قيامة تم الله تم son prophète إلى آخره فالله سأحكم الحاكمين. Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui peut te sauver minan nar, il peut te faire rentrer dans le janna. Et si tu l'aimes et t'aimes, t'as tout gagné. قال والأسباب هي المحبة أي وتقطعت بهم الأسباب أي المحبة. نعم. قال كما يقول ابن عباس المحبة التي كانت في الدنيا بينهم وبين معبوداتهم انقطعت بعد أن كانوا يتحابون في الدنيا صاروا يتلاعنون في الآخرة. انظر انظر لا personne doit réfléchir لهذا. Il doit réfléchir. Ce kalam, c'est haq. Il est basé sur des versets du Coran qu'on a cités, qu'on va citer. Alors la personne, il fait attention. Tu n'aimes pas tout le monde. Tu ne détestes pas tout le monde. Là. Ayyuha al-Muslim, ta mahabba, ton amour et ton bon, ta haine, tu dois les limiter avec le Coran et le Sunnah. Il y a des choses que tu dois aimer. Al-Muslim, qabla dhalik, tu dois aimer Allah, tu dois aimer ses prophètes, tu dois aimer ses livres, tu dois aimer ses alliés, tu dois aimer la religion. Il y a des choses que tu dois détester, tu n'as pas le choix. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah. Ceux qui combattent la religion et l'akhir, tu dois les détester, tu n'as pas le choix. Mais la personne fait ce qu'il veut, yawm qiyamah, ça peut lui arriver ce qui est cité dans les ayats. قال عز وجل إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. الآية عظيمة. قال عز وجل إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم. صحيح مودة entre eux هذا يلعن هذا يكون سيد الدغي شرك بالله عز وجل. Est-ce qu'il y a une prière à savoir leur servir? Abadan. Limada. La nasta mahabba, c'est une mahabba shirkiya. Elle n'est pas basée sur le kitab ou le sunna, là. Qala. Thumma yawm al-qiyama yakfuru ba'dukum bi ba'd. Et c'est ça l'essentiel, anta. Anta, yu al-muslim, tous les jours tu récites Maliki yawmiddin. Comme on va voir. Et comme on a vu auparavant. Maliki yawmiddin. Al-an yawm al-qiyama, ce jour que anta, t'es un muslim, tu crois. Et tous les jours, tu récites que ce jour, il a un malik, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, malik yawm al-din. Ce jour, il y a des gens, ils vont se détester. Hada, ils détestent hada, hada, ils détestent hada. Alors qu'ils s'aiment fi dunya. C'est quoi la cause? Qal azza wa jal, yawm al-qiyama yakfuru ba'dukum bi ba'd, wa yal'an ba'dukum ba'da wa ma'wakum an-nar. Lianna hada, il a adoré hada bi ba'til, et vu qu'il va voir qu'il va aller fi an-nar, il va essayer de se désavouer. C'est moi, j'ai rien à voir avec lui. Mahabba li mabniya ala ba'til. حتى في الدنيا تلوفوا هذا ما بالك يوم القيامة تلوفوا في الدنيا بعض الناس يزون محبة من أجل الدنيا إما ينتغي دعجان فإذا من فوائد الدنيا un problème تلوفوا c'est les personnes qui se détestent plus c'est pas محبة في الله un problème y a plus de مثلا y a plus rien à y a plus d'avantage خلاص بغض أما المؤمن لمحبة المبنية على الكتاب والسنة ولو y a un problème problème ça se règle. Il sait que ça montre qu'il aime la personne. Amma, je me tais. Matalan, mu'min, je l'aime fillah, il fait des ma'as, il fait gada, je me tais. C'est pas mieux le mahabba. Si tu l'aimes, montre-lui. Si tu l'aimes, conseille-le. Si tu l'aimes, t'arrives à l'Allah Azza wa Jal. Masalat al-mahabba, c'est une masala azima. C'est une masala azima. Celui qui haqqa ce bab al-mahabba, mahabba l'Allah, mahabba l'Rasul, mahabba avec le mu'minin et l'akhir, tu vas trouver, il va être qawif al-din, dit-ten. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit le iman le plus fort, le plus solide, il est qawi, il ne faiblit pas. Kafir c'est un kafir, il a sa place, je le déteste fillah. Qui qu'il soit, l'anna Allah il le déteste. Un proche, je le déteste fillah si c'est un kafir. L'anna il n'a pas voulu suivre al-kitab ou al-sunnah, il n'a pas voulu suivre l'islam. Et il reste la mahabba de lien de parenté. Un mu'min je l'aime fillah. Vous voyez là les faiblesses qu'on a كثير في هذا. Tu trouves la umma là un ضعف في هذا الباب. Al-wala wal-bara. Hatta al-kuffar, ils ont vu ana la force d'une umma c'est هذا. Si la umma tajtami' elle se rassemble ala al-wala wal-bara lillah azza wa jal, c'est une umma, je pourrai pas faire bouger abadan. Comme le prophète sallam il a éduqué les sahaba. نحن الان الكفار يسقطون هذا. Tu remarques pas ils ont inventé deux choses. Awalan diviser pour mieux régner. Qaida yahoudiya, ils le savent. Si tu veux régner, tu veux prendre le dessus, divise. Ce milliard, il ne faut pas qu'il pèse. Pour les diviser, ils ont inventé quoi? La démocratie, la laïcité, la religion, ils les ont divisés. Tu ne dois pas détester, là, il est libre. Tout ça, on le cite, tout ça, c'est mawjoud dans le Fatiha. La plupart des muslims, ils connaissent le Fatiha. C'est rare un muslim qui ne connaît pas le Fatiha. Sauf peut-être un vient de se convertir. Fa'a'oula, tous, ils récitent Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lakin al-an, ça veut dire quoi, Alhamdulillah Rabbil Alamin? Si tu as compris, Alhamdulillah, c'est le mahabba, tout ce qu'on a cité, fa'ni'ma. Lakin tout ça, c'est bil-ilm. Tout ça, c'est bil-durus. Tout ça, c'est avec la lecture. Tout ça, c'est. La personne, il cherche, il récite ce surah, il essaie de savoir. Lakin, on est dans un zaman où l'ilm, il est qalil. Et le jahl, il est kafir. Et le shubuhat, akthar. Ça fait du mal à la umma, nasallah subhanahu wa ta'ala, à yansur. الإسلام والمسلمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك مع تحية دماج أفاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء إثعابي